Chapitre 10. Nous nous lèverons tard, mais ce n'est pas merveille après avoir, la nuit, prolongé notre veille. Shakespeare, le songe d'une nuit d'été. Dès qu'il fut revenu du premier choc que lui avait fait éprouver cette soudaine catastrophe, Hayward commença à faire ses observations sur les façons et la conduite de ses vainqueurs. Contrairement à leurs habitudes, les naturels, au lieu d'abuser de la victoire, avaient respecté non seulement la personne des deux sœurs, mais même la sienne. Les riches ornements de son uniforme avaient, il est vrai, attiré l'attention des sauvages, et plusieurs d'entre eux y avaient porté la main avec l'ardent désir de s'en emparer. Mais, avant tout acte de violence, un ordre impérieux du chef eut le pouvoir de les arrêter sur cette pente. Et dès lors, Hayward fut convaincu qu'on les réservait pour quelque fin d'une haute importance. Pendant que les guerriers les plus jeunes manifestaient ainsi leur vanité, les plus expérimentés continuaient leurs recherches dans les deux cavernes avec une ardeur qui dénotait combien la capture qu'ils venaient de faire était loin de leur suffire. Dans l'impuissance de découvrir de nouvelles victimes, ils se rapprochèrent des prisonniers en prononçant le nom de la longue carbine d'un ton sur lequel il n'était pas possible de se tromper. Duncan affectait de ne pas comprendre le sens de leurs questions violentes. Quant à David, son ignorance du français le dispensait de recourir à cet artifice. Enfin, fatigué de leurs importunités et craignant d'irriter ses vainqueurs par un mutisme trop opiniâtre, le major chercha des yeux Magua afin qu'il pût lui transmettre ses questions multipliées qui à chaque instant devenaient plus menaçantes. La conduite de ce sauvage formait un contraste frappant avec celle de ses compagnons. Tandis que les autres s'occupaient exclusivement de satisfaire leur passion enfantine pour la parure, en pillant jusqu'aux misérables effets du chasseur, ou qu'avec des cris de haine, ils étaient en quête de leur propriétaire, le renard se tenait à quelque distance des prisonniers, et l'on pouvait juger, à son air satisfait, que lui, du moins, il avait atteint le but principal de sa trahison. Quand les yeux d'Hayward rencontrèrent le regard sinistre, quoique tranquille, de son ancien guide, il les détourna d'abord avec horreur. Cependant, surmontant sa répugnance, il lui adressa la parole. « Le renard subtil est un véritable guerrier, » dit-il. « Refusera-t-il d'apprendre à un ennemi désarmé ce que lui demandent ses vainqueurs ? Ils veulent savoir où est le chasseur qui connaît tous les sentiers de la forêt. » répondit Magua en mauvais anglais. Et en même temps, il posait la main, avec un sourire féroce, sur les feuilles qui bandaient son épaule blessée. « Je parle de la longue carabine. Son fusil est bon et son coup d'œil est sûr. Mais, comme le petit fusil du chef blanc, il ne peut rien contre la vie du renard subtil. Le renard est trop brave pour se rappeler les blessures qu'il a reçues à la guerre ou les mains qui les lui ont faites. » Était-ce la guerre, quand l'Indien fatigué se reposait au pied de l'arbre à sucre pour manger son grain? Qui avait rempli les broussailles d'ennemis rampants? Qui a tiré le couteau? Qui avait la paix sur la langue et le sang dans le cœur? Magua avait-il dit que sa hache était hors de terre et que sa main l'en avait retirée? Comme Hayward n'osait rétorquer l'argument de son accusateur en lui rappelant sa trahison et qu'il dédaignait de désarmer son ressentiment par des paroles d'excuses, il garda le silence. Magua parut également disposé à terminer là la controverse ainsi que toute espèce de communication et reprit contre le rocher l'attitude indifférente dont il s'était un instant départi. Mais le cri « La longue carabine !» recommença de plus belle, dès que les sauvages impatients s'aperçurent que l'entretien avait cessé. « Tu l'entends ?» reprit Magua d'un air de nonchalance. « Les Hurons exigent la vie de la longue carabine, sinon ils s'en prendront à ceux qui le cachent. Il est parti, et à cette heure il est hors d'atteinte. » Le renard sourit avec un froid mépris. « Quand l'homme blanc meurt, » répliqua-t-il, « il se croit en paix. » Mais les hommes rouges savent le moyen de torturer jusqu'aux ombres de leurs ennemis. Où est son corps? que les Hurons voient sa chevelure. Il n'est pas mort, dis-je, il s'est échappé. Est-il un oiseau pour déployer ses ailes ? Dit Magua incrédule. Est-il un poisson qui puisse nager sans voir le soleil ? Le chef blanc lit dans ses livres et s'imagine que les Hurons manquent de sens. Sans être un poisson, celui que vous appelez la longue carabine sait nager. Il s'est laissé aller au courant quand toute sa poudre a été brûlée et qu'il y avait un nuage sur les yeux des Hurons. Et pourquoi le chef blanc ne l'a-t-il pas suivi ? Est-il une pierre qui va au fond de l'eau ou sa chevelure lui brûle-t-elle la tête ? Demande à celui d'entre vous qui est tombé dans la cataracte. S'il vivait encore, il vous apprendrait si je suis de pierre, dit le jeune homme irrité et employant dans sa colère le langage en poulet qui ne manquait jamais de plaire aux Indiens. L'homme blanc pense qu'il n'appartient qu'aux lâches d'abandonner leurs femmes. Magua grommela entre ses dents quelques mots inintelligibles, puis il reprit tout haut. Et les Delawares, savent-ils nager aussi bien que ramper dans la brousse ? Où est le grand serpent ? Duncan vit, par l'emploi de ces dénominations canadiennes, que ses anciens compagnons étaient beaucoup mieux connus de ses ennemis que de lui-même. Aussi répondit-il avec hésitation. Il a également pris le chemin de la rivière. Le cerf agile non plus n'est pas ici. Le cerf agile ? Répéta le major, heureux de ce prétexte pour gagner du temps. J'ignore de qui tu veux parler. On casse, reprit Magua, en prononçant ce nom Delaware avec plus de difficulté encore que les mots anglais. Bounding Elk, ou cerf agile, est le nom que l'homme blanc a donné au jeune Mohican. Il y a entre nous une confusion de mots, renard, dit Duncan dans l'espoir de provoquer une discussion. En français, deer signifie daim et stag, cerf. Le mot élan est celui que les Français emploient pour désigner l'elk des Anglais. Oui, murmura l'Indien dans sa langue naturelle. Les visages pâles sont des femmes babillardes. Ils ont deux mots pour chaque chose, tandis qu'un peau rouge explique tout par l'accent de la voix. Alors, reprenant l'usage de l'anglais, il continua en se conformant toujours à la nomenclature imparfaite de sa province. « Le daim est léger mais faible, le cerf est agile mais fort, et le fils du grand serpent est le cerf agile. A-t-il sauté de la rivière dans les bois ? Si c'est du jeune Delaware que tu parles, il s'est enfui de la même manière que les deux autres. » Comme il n'y avait rien d'improbable pour un Indien dans ce genre d'évasion, Magua admit la vérité de ce que lui disait Duncan, avec une facilité qui prouvait le peu de valeur qu'il attachait à la capture de ces trois individus. À cet égard, ses compagnons pensaient différemment. Les Hurons avaient attendu avec une patience caractéristique et dans un silence profond le résultat de cette conversation. Quand Hayward eut cessé de parler, tous les yeux se portèrent sur Magua, comme pour lui demander le sens de ce qui avait été dit. Leur interprète, montrant du doigt la rivière, leur expliqua tout, plus par des gestes que par des paroles. Après cette brève communication, les sauvages poussèrent un effroyable hurlement, indice de la déception qu'ils éprouvaient. Les uns coururent au bord de l'eau, battant l'air avec des gestes frénétiques. D'autres crachaient sur le fleuve comme pour le punir de sa prétendue trahison en les privant des droits légitimes de leur victoire. Quelques-uns, et ceux-là étaient les plus redoutables, jetèrent sur les captifs restés en leur pouvoir des regards sanguinaires où la cruauté n'était tempérée que par l'habitude de se maîtriser. Il y en eut un qui, s'élançant auprès d'Alice, enroula d'une main la chevelure qu'elle portait flottante et agita de l'autre un couteau autour de sa tête comme pour indiquer la manière horrible dont cette magnifique parure allait lui être enlevée. Notre jeune officier tenta de voler au secours de la jeune fille, mais on lui avait lié les bras et au premier mouvement qu'il fit, il sentit sur son épaule la dure étreinte du chef de la troupe. Convaincu de l'impuissance de ses efforts, il se soumit à sa destinée et se borna à adresser à ses deux compagnes des paroles d'encouragement, leur donnant à entendre que chez les Indiens, la menace allait toujours plus loin que l'action. Si Duncan cherchait à consoler les deux sœurs et à calmer leur épouvante, Il n'était pas assez insensé pour se faire illusion à lui-même. Il savait fort bien que l'autorité d'un chef indigène était peu respectée et qu'elle s'appuyait plus souvent sur la force corporelle que sur la supériorité morale. Le danger devait donc se calculer en proportion du nombre des créatures barbares qui les entouraient. Il était à craindre à chaque instant que l'ordre le plus impérieux de celui qu'il paraissait reconnaître pour chef ne fût enfreint par le premier furieux à qui l'envie aurait pu venir de sacrifier une victime aux mânes d'un ami ou d'un parent. Tout en conservant une apparence extérieure de calme et de fermeté, il sentait son cœur battre avec force chaque fois qu'un des Indiens s'approchait des sœurs sans défense ou fixait seulement des regards farouches sur des êtres si peu capables de résister à la violence. Toutefois, ces terreurs eurent un moment de répit en voyant le chef appeler ses guerriers autour de lui pour tenir conseil. La délibération fut courte, et en jugée par le silence du plus grand nombre, la décision fut unanime. Le peu d'orateurs qui prirent la parole étendaient fréquemment la main dans la direction du camp de Webb, ce qui semblait indiquer qu'ils craignaient de ce côté l'approche de quelque danger. Cette considération hâta probablement leur résolution et accéléra les mouvements qui en furent la suite. Pendant la conférence, Hayward, soulagé de ses plus grandes craintes, eut le loisir d'admirer la manière prudente dont les Hurons avaient opéré leur débarquement, même après la fin des hostilités. Ainsi qu'on l'a vu, le noyau de l'île était un rocher nu, sans autre moyen d'y aborder que quelques souches flottantes. Ils avaient choisi ce point pour y faire leur descente, et à cet effet transporté le canot à travers bois en remontant le fleuve jusqu'au-dessus de la cataracte. Après avoir déposé leurs armes dans l'embarcation, une douzaine d'hommes s'appuyant sur ses rebords suivaient à la nage, tandis que deux des plus habiles la dirigeaient en se plaçant de façon à ne point perdre de vue le passage dangereux. À la faveur de cet arrangement, ils avaient gagné la pointe de l'île au même endroit qui avait été si fatal à leurs devanciers, mais avec l'avantage du nombre et la possession d'armes à feu. Il n'y avait pas lieu de douter qu'ils n'eussent agi de la sorte pour débarquer, car Duncan les vit retirer le canot de la pointe du rocher et le placer dans cette partie de la rivière qui avoisinait l'issue de la grotte extérieure. Aussitôt le changement effectué, le chef fit signe aux prisonniers de descendre et d'entrer dans la barque. La résistance était impossible et toute remontrance inutile. En conséquence, Hayward donna l'exemple de la soumission en marchant le premier vers le canot où il fut bientôt placé avec les sœurs et David, qui n'était pas encore revenu de sa stupéfaction. Bien que les Hurons ignorassent où se trouvaient les écueils et les bas-fonds du fleuve, ainsi que la direction des divers courants, néanmoins les signes ordinaires de ce genre de navigation leur étaient trop familiers pour qu'ils commissent aucune erreur grave. Quand le pilote choisi eut pris place, toute la troupe plongea dans la rivière. Le frêle esquif effleura la surface du courant et au bout de quelques minutes, les prisonniers abordèrent sur la rive méridionale, presque en face de l'endroit où ils étaient arrivés la veille. Là, on tint une autre consultation, qui fut courte mais vive, et pendant laquelle les chevaux, dont les hennissements de terreur avaient contribué à faire découvrir leur maître, furent amenés du lieu où on les avait entravés. La troupe alors se divisa. Le chef à la haute taille monta le cheval du major et, suivi de la plupart de ses gens, traversa la rivière à gué et disparut dans les bois, laissant les prisonniers sous la garde de 6 sauvages, à la tête desquels était le renard subtil. Duncan observa ces dispositions avec un redoublement d'inquiétude. La modération des Indiens, si peu d'accord avec leur conduite habituelle, lui avait donné à croire qu'on voulait simplement les livrer à Montcalm. La pensée de ceux qui souffrent s'endort rarement, et l'imagination n'est jamais plus active que lorsqu'elle est stimulée par la moindre lueur d'espérance. Aussi, Duncan avait-il pensé qu'on chercherait à tirer parti des sentiments paternels de Munro pour l'amener à trahir son devoir de sujet fidèle. Car bien que le général français jouît d'un renom mérité de hardiesse et de bravoure, il passait pour exceller dans ses expédients politiques, qui ne respectent pas toujours les obligations strictes de la morale et qui déshonoraient si fréquemment la diplomatie européenne de cette époque. Ces conjectures ingénieuses furent détruites par la conduite des Hurons. Le chef et le gros de la troupe avaient pris la route de l'Oricon, et l'unique chance qui dès lors restait aux prisonniers fut d'être retenus dans une captivité indéfinie par leurs farouches vainqueurs. Désireux de connaître leur sort et voulant, en cette circonstance critique, essayer le pouvoir de l'argent, Hayward mit de côté la répugnance qu'il éprouvait à parler à Magua. S'adressant donc à celui qui naguère était son guide et qui maintenant affectait les allures d'un homme qui dirige et commande, il lui dit d'un ton aussi amical et confiant qu'il lui fut possible. « Je désirerais dire à Magua quelque chose qu'un grand chef doit seul entendre. » « Parle !» répondit celui-ci, qui le toisa d'un air méprisant. « Les arbres n'ont point d'oreilles. » « Mais les Hurons ne sont pas sourds, et ce qui convient aux premiers guerriers d'une nation rendrait ivres les jeunes hommes. Si Magua ne veut pas écouter, l'officier du roi saura se taire. » D'un air indifférent, le sauvage adressa quelques mots à ses compagnons, qui s'occupaient gauchement à harnacher les chevaux destinés aux deux sœurs. Puis, se mettant à l'écart, il fit à Hayward un signe discret pour l'engager à le suivre. « Parle maintenant, lui dit-il. Voyons si tes paroles sont telles que Magua puisse les entendre. » Le renard subtil s'est montré digne du nom honorable que ses pères canadiens lui ont donné, commença le major. « Je reconnais sa sagesse et tout ce qu'il a fait pour nous, et je m'en souviendrai quand viendra l'heure de la récompense. Oui. » « Certes, le renard a prouvé non seulement qu'il est un grand chef dans le conseil, mais encore qu'il sait l'art de tromper ses ennemis. »« Vraiment ?» dit froidement l'Indien. « Qu'a donc fait le renard ?»« Eh quoi ? N'a-t-il pas vu que les bois étaient infestés de rôdeurs ennemis et que le serpent ne pouvait pas glisser inaperçu au milieu d'eux ? Alors n'a-t-il pas perdu sa route pour tromper les yeux des Hurons ? N'a-t-il pas fait semblant de rejoindre sa tribu qu'il avait maltraitée et chassée comme un chien de ses wigwams ? Et quand nous nous sommes aperçus de son dessein, ne l'avons-nous pas secondé en usant de dissimulation afin de faire croire aux Hurons que l'homme blanc prenait son ami pour un ennemi ? Tout cela n'est-il pas vrai ? Et quand, par sa sagesse, le subtil a eu fermé les yeux et bouché les oreilles des siens, n'ont-ils pas oublié qu'il l'avait maltraité et forcé de fuir chez les Mohawks ? Et ne l'ont-ils pas laissé avec leurs prisonniers sur la rive méridionale du fleuve, tandis qu'eux-mêmes ils se sont sottement dirigés vers le nord ? L'intention du renard n'était-elle pas de revenir sur ses pas, comme un vrai renard, et de ramener à leur père les filles du riche Écossais à la tête blanche ? Oui, oui, Magua, j'ai vu tout cela, et déjà je me suis demandé comment récompenser tant de sagesse et de fidélité. D'abord, le chef du fort William Henry donnera ce que doit donner un grand chef pour un tel service. La médaille de Magua ne sera plus d'étain, mais d'or battu. Sa corne regorgera de poudre. Les dollars abonderont dans sa bourse comme les cailloux sur le bord de l'Oricon, et les daims lui lècheront les mains, car ils sauront qu'il tenterait vainement de fuir devant la carabine qu'on lui donnera. Pour moi, comment pourrais-je surpasser en générosité la reconnaissance de l'Écossais ? Je l'ignore, mais je... Oui, je... Voyant son tentateur hésiter, parce qu'il voulait mettre le comble à ses promesses par l'espoir de quelque don sans prix aux yeux d'un sauvage, Magua vint à la rescousse en disant « Que donnera le jeune chef venu des lieux où se lève le soleil ? Il fera couler devant le wigwam de Magua, répondit Hayward, l'eau de feu des îles du lac Salé, en quantité aussi grande que les eaux de l'Hudson, jusqu'à ce que le cœur de l'Indien devienne plus léger que les plumes de l'oiseau-mouche, et son haleine plus douce que le parfum du chèvrefeuille sauvage. » Le renard avait écouté dans un profond silence ce discours insinuant. Quand le major avait parlé de l'artifice qu'il supposait avoir été employé par l'Indien envers sa propre nation, ses traits s'étaient voilés d'une expression de gravité prudente. Lorsqu'il avait fait allusion à l'injure que le Huron avait reçue des siens, il surprit dans les yeux de Magua un éclair de férocité si indomptable qu'il crut, pour le coup, avoir touché la corde sensible. Enfin, cette partie de sa harangue, où il s'était efforcé d'exciter la soif de l'or et de la vengeance, avait conquis de la part de son auditeur une attention particulière. La question du renard avait été faite sans colère et avec toute la gravité indienne, et la réponse, qui était habile, reçut le plus sérieusement du monde. Le Huron réfléchit un moment et, portant la main sur les grossiers bandages de sa blessure, il s'écria avec énergie. « Les amis font-ils de pareilles marques ? Crois-tu que la longue carabine se contenterait d'infliger à un ennemi une blessure si légère ? Les Delawares rampent-ils sur ceux qu'ils aiment comme des serpents qui s'enroulent avant de mordre ? Le grand serpent se serait-il laissé entendre par des oreilles qu'il aurait voulu rendre sourdes ? Est-ce que l'homme blanc brûle sa poudre à la face de ses frères ? Manque-t-il jamais son coup s'il a l'intention de tuer ? Cet échange de phrases sentencieuses eut lieu rapidement et fut suivi d'un long intervalle de silence. Duncan crut que l'Indien chancelait et, afin de compléter sa victoire, il allait recommencer l'énumération des récompenses qu'il lui destinait quand celui-ci l'arrêta d'un geste expressif. « Assez !» dit-il. « Le renard est un chef sage et on verra ce qu'il jugera convenable de faire. Va ! Et que ta bouche soit close. Quand Magua parlera, il sera temps de répondre. » Hayward, s'apercevant que les yeux du sauvage se fixaient avec inquiétude sur les hommes de sa troupe, s'éloigna aussitôt, de crainte d'avoir l'air d'entretenir avec leur chef des intelligences suspectes. Magua s'approcha des chevaux et affecta de se montrer satisfait des soins qu'on avait pris pour les équiper. Il fit signe au major d'aider les deux sœurs à monter en selle, car il ne s'abaissait à s'exprimer en anglais que dans des occasions sérieuses. Il n'y avait plus de prétexte plausible à différer le départ, et Duncan, bien à contre-cœur, fut obligé de se soumettre. En s'acquittant de son office, il fit part, à voix basse, de ses espérances nouvelles aux jeunes filles qui, tremblant de rencontrer les regards farouches de leur gardien, osaient à peine lever la tête. La jument de David avait été emmenée par le gros de la troupe, de sorte que son maître se vit contraint d'aller à pied. Duncan ne regretta point d'en être réduit à la même nécessité, qui lui fournissait un motif de retarder la marche. En outre, il comptait sur le fort Édouard et tournait souvent les yeux de ce côté, dans l'espoir de saisir dans cette partie de la forêt quelques bruits précurseurs de l'approche d'un prompt secours. Quand tout fut prêt, Magua donna le signal du départ et se mit à la tête du convoi pour le conduire en personne. Venait ensuite David qui, à mesure qu'il ressentait moins les suites de sa blessure, arrivait à comprendre sa véritable situation. Après lui chevauchaient les deux sœurs, escortées du fidèle major. Les Indiens étaient en flanc et en arrière, surveillant tout avec une vigilance qui semblait ne jamais se lasser. Ils s'avancèrent ainsi au milieu d'un silence interrompu seulement par les paroles d'encouragement qu'Hayward adressait aux dames et par les exclamations de David, pieux témoignage de sa résignation au décret de la Providence. Ils marchaient vers le sud et dans une direction presque opposée à la route de William Henry. Malgré cette conformité à la détermination primitive de ses vainqueurs, Duncan ne pouvait supposer que Magua résistât à la tentation des offres qu'il lui avait faites, et il n'ignorait pas que le chemin le plus détourné, en apparence, mène toujours droit au but l'Indien qui se croit forcé d'user d'artifice. Cependant, le temps s'écoulait. On continuait d'avancer péniblement à travers des bois sans limite, et rien n'annonçait encore le terme du voyage. Hayward suivait des yeux le cours du soleil qui était à son midi et dorait la cime des grands arbres. Il soupirait après le moment où la politique de Magua changerait de route pour en prendre une plus favorable à ses espérances. Quelquefois, il s'imaginait que le côteleux sauvage, désespérant d'échapper aux éclaireurs de l'armée française, se dirigeait vers un établissement de la frontière où un officier distingué de la couronne qui jouissait des bonnes grâces des six nations possédait de vastes domaines et faisait sa résidence habituelle. Être remis entre les mains de Sir William Johnson lui paraissait une alternative préférable à celle d'être conduit dans les déserts du Canada, mais pour cela il fallait traverser une grande étendue de forêt, et chaque pas l'éloignait de plus en plus du théâtre de la guerre, et par conséquent du poste où l'appelait l'honneur et le devoir. Cora seule n'avait pas oublié la recommandation qu'Œil de Faucon leur avait faite en les quittant, et, chaque fois que l'occasion s'en présentait, elle étendait le bras pour briser la tige qui venait sous ses doigts. Mais la vigilance des Indiens rendait cet acte de précaution aussi difficile que dangereux. Souvent, il lui fallait renoncer à son projet en rencontrant le regard défiant d'un de ses gardiens. Et, afin d'écarter leurs soupçons, elle feignait une alarme qu'elle n'éprouvait pas, comme de simuler avec le bras étendu des gestes de terreur. Une fois pourtant, une seule fois, elle réussit à briser la branche d'un grand sumac et, par une inspiration soudaine, laissa tomber un de ses gants. Cet indice, destiné à ceux qui pourraient la suivre, fut remarqué par un des Hurons. Il ramassa le gant et acheva de casser les branches qui restaient à l'arbre, de manière à faire croire que le dégât provenait de quelque bête fauve. Puis il porta la main à son tomahawk avec un regard tellement significatif qu'il mit entièrement fin à ces traces furtives de leur passage. Les chevaux laissaient, il est vrai, sur la terre l'empreinte de leurs sabots, mais comme chaque troupe d'Indiens en avait emmené en nombre égal, cette circonstance était pour dérouter quiconque aurait entrepris de secourir les prisonniers. 20 fois Hayward fut sur le point d'aborder Magua et de lui faire des représentations. Il était retenu par la sombre réserve du sauvage. Durant tout le temps, il se retourna à peine et ne desserra pas les dents. N'ayant que le soleil pour guide et à l'aide seulement des points de repère connus de la sagacité des Indiens, il allait droit son chemin à travers des forêts de pins, des vallons fertiles, des torrents, des ruisseaux et des collines. Il semblait obéir à un instinct infaillible et sa marche était aussi sûre et directe que le vol de l'oiseau. Il ne montrait jamais d'hésitation, que le sentier fût nu et bien battu, qu'il fût indiqué par place ou totalement effacé, il n'avançait ni moins vite, ni d'un pas moins assuré. La fatigue même ne semblait pas avoir de prise sur lui. En foulant un sol couvert de détritus et de feuilles pourries, si les voyageurs levaient les yeux, ils apercevaient en avant sa noire silhouette se dessiner à travers les arbres, marchant le regard droit et la tête haute, surmontée d'une plume légère sans cesse agitée par la rapidité de ses mouvements. Après avoir traversé une vallée basse, dans laquelle serpentait un ruisseau, Magua se mit à gravir une colline si raide que les deux sœurs, incapables de le suivre, furent obligées de descendre de cheval. Arrivées au sommet, la troupe se trouva sur une plateforme où croissaient quelques bouquets d'arbres, à l'ombre desquels Magua avait déjà étendu sa sinistre personne pour y goûter un repos dont tout le monde avait le plus grand besoin. »